Le journal Internet sud-coréen Minzok Ilbon a véhiculé le 13 un éditorial titré « Coopération nationale au servilisme aux forces étrangères ». L'auteur écrit « Le gouvernant sud-coréen, au cours de sa visite aux États-Unis, a déclaré que l'alliance sud-coréen-américaine mérite le prix de sang et que sa vie est due aux troupiers américains, et non satisfait, il a recouru à la diplomatie tributaire ». En Allemagne, aux entretiens avec les gouvernants de divers pays, il a déclaré mener de front le dialogue et l'embargo dans les rapports intercoréens, ce qui a étonné et déçu les compatriotes qui espéraient la différence avec l'ancien pouvoir.